Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour fêter le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 21 octobre? Eh bien, le 21 octobre 1798, par exemple, en Égypte, mécontentement général et soulèvement contre Bonaparte, qui a débarqué le 1er juillet. 1831, France. À Lyon, la commission des tarifs des canuts rencontre un certain nombre de fabricants. Les derniers prétendent ne pas être mandatés par leurs confrères. La réunion est renvoyée. Le soir, des centaines de compagnons et de chefs d'atelier manifestent leur mécontentement. 1877, Suisse. Loi fédérale sur les fabriques. La journée de travail est limitée à 11 heures. 11 heures, vous avez bien entendu, 11 heures. Le travail des enfants est réglementé. Les chefs d'entreprise sont considérés comme responsables civilement en cas d'accident de travail. Ah tiens, ça, les chefs d'entreprise sont considérés comme responsables civilement en cas d'accident de travail. 1878, Allemagne. Vote des lois d'exception contre les socialistes. D'abord désorganisé, le parti réussit à se réorganiser clandestinement. 1879, USA. Dans la maison de Menlo Park, un fil à coudre de coton provenant de la boîte à ouvrage de sa femme permet à Thomas Edison de mettre au point l'éclairage électrique. La première ampoule électrique fonctionne. Il avait essayé différents métaux et il y avait toujours des problèmes. 1909, USA, vote de la grève générale du textile et élection d'un comité de 5 responsables. La solidarité et la conscience grandissent chez les travailleurs. 1916, Autriche, Friedrich Adler abat le premier ministre, le comte Sturgel. Le geste mûrement réfléchi avait pour but de protester contre la guerre et de secouer les sociaux-démocrates. Protester contre la guerre et secouer les sociaux-démocrates. Vous entendez ça? Secouer les sociaux-démocrates. Ah! Pour qu'ils deviennent, qu'ils reviennent à gauche. Eh ouais. 1920, Espagne. Grève dans la métallurgie à Barcelone. 1935, Allemagne. Le Troisième Reich quitte la Société des Nations, c'est-à-dire l'ONU de l'époque. 1946, Japon. Une réforme agraire permet d'exproprier 2 millions d'hectares. 1964, Soudan. Un soulèvement populaire est organisé par les partis et les syndicats. Le régime militaire Aboud sera remplacé par un gouvernement civil. 1966, Japon. Pour la première fois dans le monde, une grève est réalisée pour soutenir le peuple vietnamien et condamner la guerre qui sévit dans ce pays. Cette action sera renouvelée chaque année sous le nom d'Action Unifiée. 1969, Somalie. Un coup d'état du général progressiste Ziad Barré met fin à un régime parlementaire corrompu. 1983, Espagne. Dans les rues de Madrid, une grande manifestation rassemble quelques 700 000 personnes pour le soutien de la démocratie et contre le terrorisme. 1984, Somalie. Libération de 4000 prisonniers pour le 15e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président Ziad Barré. 1976, Canada. Un groupe de jeunes chômeurs de Saint-Jérôme s'organise et se répartit les usines pour chercher du travail. 39 usines refusent de les recevoir. 16 font remplir un formulaire. 10 demandent une spécialisation de métier. Une entreprise demande de revenir plus tard et une autre renvoie au centre de main-d'œuvre. Voilà ce qu'était le marché, ce qu'on appelle le marché. Le marché. Vous entendez ça? Marché. Le marché du travail. Au Canada, 1976. Bon, alors depuis. 1976, Liban, 57e cessez-le-feu de la guerre civile. 1982, Afrique du Sud. Pour la première fois, une blanche est condamnée pour haute trahison à 10 ans de prison ferme. Mademoiselle Hogan revendiquait son adhésion au Congrès national africain, ANC, qui lutte contre l'apartheid. Elle est représentative d'une certaine jeunesse libérale blanche. Thank you. 22 octobre. 22 octobre 1909, en France. Élise Laroche est la première femme à voler seule, un vol d'environ 300 mètres. 1917, Russie. Meeting de plusieurs milliers d'ouvriers à l'usine Dobukhov. Ils réclament le renversement du gouvernement provisoire et le pouvoir pour les soviets, c'est-à-dire pour les conseils d'ouvriers et de soldats et de paysans. 1920, Autriche. Les ministres socialistes sortent du gouvernement proportionnel constitué suite aux élections qui ont donné la victoire à la droite chrétienne. 1940, Allemagne. Aktion Birkel. Déportation des juifs d'Alsace-Lorraine, de Sarre et de Bade vers la France du Sud. En 1942, ils seront déportés vers Auschwitz. 1959, Tanzanie. Le peuple de Tanganyika voudrait allumer une lampe et la placer sur le mont Kilimanjaro afin qu'elle éclaire au-delà des frontières, donnant de l'espoir là où il y a le désespoir, de l'amour là où il y a de la haine, de la dignité là où il n'y avait que de l'humiliation. Nous ne pouvons pas, comme les autres pays, envoyer des fusées sur la Lune, mais nous pouvons envoyer des fusées d'amour et d'espérance à tous nos amis. Signé Julius Nyerere. 1977, Brésil, Eugenio Lira Silva, avocat de la Fédération des travailleurs de l'agriculture de l'État de Bahia, défenseur du droit des petits paysans contre les spéculateurs, est assassiné sur la place de Santa Maria de Sitoria sous les yeux de sa femme enceinte. Sa mort renforce l'unité du peuple et la vitalité du syndicat. 1980, France, à Saint-Étienne, Manu France est mis en liquidation. 1982, Argentine. La découverte d'un nouveau charnier comportant les corps de 400 victimes de la répression relance l'action pour les disparus. 1983, Chili. Septième journée nationale de protestation réclamant le départ de Pinochet et la mise en place d'un gouvernement provisoire chargé d'appliquer un plan économique d'urgence et d'organiser des élections libres. 1983, semaine de l'ONU pour la paix et le désarmement. En République fédérale d'Allemagne, une chaîne humaine de 100 km relie la base de Neu-Ulm, où doivent être déposées les fusées à Stuttgart, où se trouve le quartier général des troupes américaines. L'Europe vit à l'heure du pacifisme, illustra la formule de François Mitterrand, le pacifisme est à l'ouest et les missiles sont à l'est. De Madrid à Paris, de Londres à Rome, de Bruxelles à Bonn, 2 millions de personnes manifestent leur hostilité, aux fusées de moyenne portée devant être déployées en Europe. « 23 octobre 1837, au Canada, lors de la révolte des Fils de la Liberté, 5000 personnes rassemblées à Saint-Charles demandent aux citoyens des 6 comtés de Richelieu d'élire leurs juges et leurs officiers et les officiers de leurs milices. » 1847, Algérie, soumission d'Abdelkader après 15 ans de combat contre les forces coloniales françaises. 1917, Russie. Réunion historique du comité central. On y discute la question de l'insurrection armée. Elle sera acceptée dans les jours qui suivent. Le bureau politique est créé. Lénine est chargé de diriger l'insurrection. 1926, Chine. une première insurrection mal préparée et réalisée dans la confusion contre Sun Xuanfang échoue lamentablement. 1936, Espagne. La guerre civile se double d'une révolution sociale. En zone républicaine, un comité central de l'économie réunissant délégués paysans et ouvriers est constitué. 1951, Inde. Le parti du Congrès, avec 75% des suffrages, remporte les élections générales. 1956, Hongrie. Début de l'insurrection populaire anti-totalitaire. La foule chante la Marseillaise et l'hymne hongrois. Par le Dieu des Hongrois, nous le jurons, jamais esclaves ne seront, nous le jurons, jamais, jamais, jamais. 1958, France. Lors de la première conférence de presse qu'il tient depuis son retour au pouvoir, le général de Gaulle affirme la volonté de la France de se doter elle-même d'armes atomiques. 1969, USA. Le président Nixon annonce un retrait progressif des troupes US du Vietnam. 1981, Pologne. Début d'une virulente campagne gouvernementale contre Solidarité. 1983, France. Manifestation de la paix organisée par le CODEN, c'est-à-dire le Comité de désarmement nucléaire en Europe, et la CFDT. C'était encore un syndicat, la CFDT, à l'époque. Une chaîne humaine relie l'ambassade de l'URSS à celle des USA, symbolisant le désir de voir aboutir les négociations sur les euromissiles. 1983, Liban. Attentat terrible contre les détachements américains, 221 morts, et français, 58 morts, de l'ONU à Beyrouth. 1984, Afrique du Sud. Déclenchement d'une vaste opération avec 7000 soldats et policiers contre les éléments révolutionnaires et pour le rétablissement de l'ordre. 1984, France. Promulgation de la loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse. Oh, c'était en 1984 et nous sommes en 2018. Vous entendez ça? France, 1984. Hein. Promulgation de la loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse. Ah, ce serait bien quand même. Chers collègues marcheurs, je vous le demande avec solennité. Vous n'avez pas honte? Honte de votre paresse, honte de votre sectarisme. Je vais résumer, pas seulement pour les citoyens dehors, mais pour vous ici, pour que vous mesuriez votre déshonneur. Nous avons dans le pays des femmes, des milliers de femmes, qui accompagnent les enfants handicapés dans les écoles. Pour ce métier, elles sont sous-payées, 600 euros, 700 euros, sous le seuil de pauvreté, avec des contrats ultra précaires. Pour changer ça, depuis le début de votre mandat, quelle proposition de loi avez-vous portée ? Rien, aucune. Et le ministère, quel projet de loi ? Rien, aucun. Ça, pour supprimer les impôts aux actionnaires, pour offrir aux firmes le secret des affaires, là, c'est urgent. Là, sur ces bancs, vous répondez tous présents. Mais pour ces travailleuses pauvres, rien, rien de rien, personne. Aujourd'hui, notre collègue qui est de droite, mais moi je m'en fiche qu'il soit de droite, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, peu importe, notre collègue Aurélien Pradier propose d'élever un peu leur statut. Son texte n'est pas parfait, loin de là. Il est nettement améliorable. Et nous avons, nous, les insoumis, mais également les communistes, les socialistes, les UDI, les républicains, nous avons déposé des tas d'amendements en commission. Vous, les marcheurs, aucun, aucun amendement. Vous êtes 300 et aucun amendement. Vous n'avez même pas participé aux échanges. Vous êtes contentés en groupe, en troupeau, de voter contre, contre, contre, contre, de lever la main en cadence comme des Playmobiles. Mais aujourd'hui, dans cet hémicycle, c'est pire encore. Vous allez voter une motion de rejet préalable. Ça porte bien son nom, rejet préalable. C'est-à-dire que la discussion n'aurait même pas lieu sur un point aussi important, que le texte ne sera même pas examiné. Vous empêchez carrément le débat, vous l'interdisez. J'espère que le pays ne vous pardonnera pas. Nous vous demandons un scrutin public. Les noms des votants seront publics. Je les publierai sur ma page Facebook et je ne serai pas le seul. Ils circuleront à travers la France. Et ce vote, j'en suis convaincu, ce vote vous collera à la peau comme une infamie. Merci, monsieur Ruffin. La parole... Je suis scandalisé que l'éducation républicaine ait complètement été à côté de la plaque, de penser que depuis 100 ans, des jeunes dans le sport comme dans la culture donnent leur vie à la France, sont la gloire de la France à travers le monde entier, et qu'il n'y ait même pas l'histoire du sport ou l'histoire culturelle. Vous énervez pas, Francis. Non, je m'énerve pas. C'est pour expliquer que je suis sidéré, quoi, sidéré de cet aveuglement. C'est-à-dire que le sport, c'est la seule façon justement de tuer l'homophobie, de tuer le racisme, de tuer les différences, et que l'éducation républicaine n'ait pas compris qu'il fallait absolument dès l'âge de 6 ans, de 8 ans, comprendre que par le sport ou la culture, on était français. Voilà, c'est comme ça qu'on est français, c'est comme ça qu'on sert la France. Et puis je tiens à dire à ceux qui nous écoutent, savez-vous qui est Salomé à Sklodowska ? Non. Bon, alors c'est Marie Curie. C'est Marie Curie. Alors, oui. C'est une insulte à la France, Marie Curie ? Et Zinedine Zidane, c'est une insulte à la France ? Et Kylian Mbappé, c'est une insulte à la France ? Non. Et puis, de la même côté, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des Français de souche ? Est-ce que vous savez que Thierry Ardisson... est-ce que vous savez que Thierry Ardisson, le prénom Thierry, c'est Théodoric ? C'est un prénom allemand. C'est un prénom germanique. Est-ce que vous savez que Eric est un prénom suédois ? Eriker. Alors, où on est, là ? Être français, c'est comprendre en 2018 que nous sommes un jardin d'êtres humains. Et que dans ce jardin, il y a des tulipes, il y a des marguerites, il y a des myosotis. Alors le myosotis, on va l'appeler myosote. Et la marguerite, on va l'appeler Marie. Où on est là ? Moi, je pense, et je suis redevable de tout ce qui vient de se passer depuis là, une semaine. Parce que je crois pas que ces trois personnes en question... Je mets Yann Moix de côté. Parce que vraiment, je suis effaré de tels propos. Effaré. Donc j'aime mieux même pas en parler. Mais pour ce qui est du reste, de propos qui ont soulevé une telle émeute médiatique en France, je pense justement, et c'est là le combat de la pièce de Laurent Ruquier contre l'homophobie, je pense que on doit tous par le sport et par la culture être français. Bravo. En 2022, votez Francis Huster. Voilà. De plaines en forêts, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelques quelque chose dans l'air, à cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France, celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, sans l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Le lieu de la croisée des transepts dans les églises, c'est exactement l'endroit où on aura décidé que se construira l'église. Il y a donc une espèce de centre énergétique éminemment puissant. La porte est également un lieu solaire. On entre pour aller vers la lumière. Quand vous entrez dans l'église, cette porte, elle vous permet de passer du monde des ténèbres, le monde profane, au monde sacré, le monde sacré qui est celui de la lumière. Plus vous avancez dans l'église, plus vous allez vers la lumière. Vous sortez du monde païen, vous montez, vous grimpez, etc. Et très précisément, à Chambois, elle est construite avec une légère pente. Et on monte. Avant Vatican II, l'église se faisait... La messe se faisait sur un autel qui était collé là où est un rétable, et assez probablement, avant ce qu'on voit encore aujourd'hui, assez probablement, il faudrait déboucher l'oculus pour voir le jour de la Saint-Martin à quel moment le rayon de lumière arrive et à quel endroit, pour décider de l'endroit où a été la pierre originale sur laquelle se célébrait la messe. C'est imparable, ça a été construit dans cette configuration-là. Les portes sont à l'origine des tours jumelées avec une poutre transversale, et ce système permettait à l'époque de mesurer les déplacements du soleil. La course du soleil faisait une espèce d'arche qui permettait effectivement d'avoir deux piliers sur lesquels était posée cette arche. Nous entrons dans une porte d'église en franchissant ces deux piliers et en passant sous l'arche, qui est la signification du déplacement du soleil. Tout ça est évidemment en relation avec le zodiaque. C'est une synthèse des portes solsticiales, et elles sont identifiées aux portes célestes. C'est la même chose avec le Christ, qui lui-même est une figure solaire, bien sûr, et dont la vie n'est jamais que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la production de cristallisation d'informations diverses et multiples. Alors on va prendre sa vie toute simple, celle que vous connaissez, et on démarre avec l'Annonciation. Vous connaissez le moment où l'Esprit Saint arrive et fait savoir à Marie qu'elle est enceinte et qu'elle attend un enfant et que cet enfant sera le Sauveur, etc. Cette Annonciation, n'est pas neuve. Il y a une multitude d'annonciations dans la littérature antique, et on réserve ce type de naissance, l'annonce de ce type de naissance, pour les individus qui sont d'une facture qu'on aimerait céleste ou semi-divine. Pythagore, la naissance de Pythagore, la naissance de Platon font l'objet d'annonciations de ce type-là. Et on est évidemment au 6e siècle, 7e, 6e siècle, 7e pour Pythagore, 5e, 6e pour Platon, avant Jésus-Christ, et 4e, 5e siècle, oui, et qui nous permettent de dire que c'est l'annonciation, le principe de l'annonciation n'est pas inventé par le christianisme. Le christianisme reprend quelque chose qui se trouve déjà dans tous les textes païens. Le fait que Jésus s'incarne dans un corps, qu'il soit fils de Dieu, mais qu'en même temps, il est un corps. Ce sont des choses qu'on trouve un peu partout dans l'histoire de l'Antiquité. Les métamorphoses d'Ovide font la démonstration que les divinités sont capables de prendre des formes diverses et multiples. On trouve ça déjà chez les Égyptiens. Plutarque nous raconte d'ailleurs quelles sont les métamorphoses chez les Égyptiens. On en trouve chez les Chinois, on en trouve chez les Grecs. Il suffit d'aller voir Homère, de lire Homère, ou chez les Romains, je vous parlais d'Ovide et des métamorphoses, et on voit bien effectivement que la possibilité pour une divinité de prendre un corps qui a allure humaine, c'est une vieille chose, c'est une vieille idée. Les dieux arrivent toujours sous forme humaine pour se faire entendre aux hommes. La grotte de Bethléem, dans laquelle serait né Jésus, elle correspond très exactement au sanctuaire où on célébrait Adonis. Les rois mages qui sont guidés par une étoile, évidemment, ce sont des choses qu'on trouve en amont dans les endroits dont j'ai déjà parlé, en Iran par exemple, ou en Syrie. Le massacre des innocents ou la fuite de la Sainte Famille, on trouve ça chez les Égyptiens. L'enfant qui donne des leçons au temple, vous savez que la vie de Jésus, il y a un trou entre le moment où il naît et le moment où effectivement il y a la fuite en Égypte, parce qu'il s'agit d'éviter le roi Hérode qui a décidé de massacrer tous les enfants. Et puis à un moment donné, on voit rien de ce qui se passe pendant des années, même s'il y a des évangiles qu'on dit apocryphes dans lesquels il y a des explications, et ce sont des textes, parce qu'ils n'ont pas été retenus par l'Église, mais qui racontent tout de même comment Jésus se comportait. C'était souvent un sale gamin. Il était capable de tuer des oiseaux pour les faire ressusciter. Il était capable de tuer son instituteur, parce que l'instituteur lui avait dit des choses pas agréables, puis de faire ressusciter l'instituteur quand même, parce que c'est quand même Jésus. Et évidemment, tous ces textes-là existent. Vous avez un volume de Pléiade qui s'appelle « Les évangiles apocryphes ». Ça fait 2000 pages. Et vous voyez effectivement qu'il y a eu des essais, que ça a tâtonné, et qu'un jour Constantin a dit « Bon, on va prendre les évangiles, là, il y en a 4 ». Ils sont synoptiques, encore que sur les 4, il y en a 3 qui sont synoptiques, c'est-à-dire que vous les mettez face à face et ils disent la même chose. Ben, il ne faut pas faire ça, parce que si vous les mettez face à face et que vous les lisez face à face, ce que peu de gens font, eh bien, ils ne disent pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils prennent à peu près les mêmes histoires, mais si vous prenez la résurrection, eh bien, suivant l'un, suivant l'autre, suivant un troisième, Jésus apparaît à 2 personnes, il apparaît à 3 personnes, il y a machin qui s'y trouve, mais Bidule s'y trouve pas, chez l'autre, il y a un autre individu. Et c'est la même chose avec tous les éléments. Ils ne sont pas si synoptiques que ça. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a eu un corpus extrêmement abondant et qu'on a réduit tout ça parce qu'on avait besoin de fabriquer une biographie. Il fallait absolument fabriquer la biographie de ce Jésus-là. Il fallait donc écarter un certain nombre de choses. Et donc l'histoire de l'enfant qui enseigne des choses à ceux qui savent, évidemment, c'était formidable. Donc la leçon au temple, eh bien, on trouve déjà ça chez Pythagore, chez Zoroastre ou chez Bouddha. Tentation dans le désert, Bouddha a eu droit à ça, Zoroastre a eu ça aussi. La littérature, les Avestas dont je vous parlais tout à l'heure, nous parlent assez régulièrement des tentations dans le désert. Aimer son prochain, quand on nous dit, c'est l'essentiel du christianisme. Déjà, Cicéron nous donne cette formule-là. Ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse, ça se trouve chez Confucius. Pardonner les offenses et rendre l'amour pour la haine, vous trouvez tout ça chez Amenhotep, Imhotep, enfin tous les livres qu'on appelle les livres de sagesse égyptienne. L'idée du sauveur eschatologique, c'est-à-dire celui qui arrive un jour en disant « à la fin de l'humanité, je suis là pour vous sauver », on trouve ça chez les Perses. Le nom du Seigneur, le fait qu'on puisse utiliser le nom « Seigneur », c'est chez les Syriens. Les miracles, c'est dans la totalité de la littérature antique. Parmi plein d'exemples, Asclépios, par exemple, qui est guérisseur, ou thaumaturge, c'est-à-dire qui fait des miracles pour restaurer la santé des gens. Apollonius de Tyane, qui ressuscite une jeune fille. Je me souviens de mon vieux maître de philosophie antique qui m'avait invité à lire ce livre de Philostrate, La vie d'Apollonius de Tyane, qui effectivement donne l'impression que c'est presque une vie du Christ. Mais c'était simplement l'occasion, ce livre, une espèce de roman. C'est d'ailleurs publié dans la Pléiade dans un volume qui s'appelle « Roman grec et latin ». On estime simplement que quand tous ces mystères n'ont pas généré une religion, ça s'appelle un roman, mais quand les mystères génèrent une religion, on appelle ça un texte sacré. Et dans la collection de la Pléiade, les textes anciens sont reliés en vers, mais les textes sacrés sont reliés en gris. Donc effectivement, les écrits intertestamentaires, les écrits apocryphes, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tout ça c'est relié en gris. Mais si vous lisez Tacite, si vous lisez Tite-Live, qu'est-ce qu'il y a encore en Pléiade ou César, ou enfin des historiens, ils sont reliés en vers. Parce que simplement, on estime qu'on ne peut pas lire les textes sacrés comme on lit les historiens. Or, on devrait pouvoir publier tout ça dans la même reliure verte en disant ce sont des textes antiques qu'on doit pouvoir lire exactement de la même manière. Les miracles, donc, on les trouve également chez Empédocle, qui est capable de ressusciter une jeune fille qui est morte depuis 30 jours. Jésus marche sur les eaux, on trouve ça également chez Dionysos. Les morts suivis de résurrection, lieu commun des divinités. Il y a Osiris l'Égyptien, par exemple, Tammuz le Babylonien, Enlil le Sumérien, Lilou l'Acadien, Aliambal le Phénicien, Attis l'Asiatique, Dionysos le Grec. Au moment où Jésus meurt, il y a une éclipse de soleil, cette éclipse ou des mouvements de la terre qui tremble. On a ça exactement avec Bouddha. Quand Bouddha entre dans le nirvana, il y a aussi un tremblement de terre. Et puis quand Romulus se trouve enlevé au ciel, eh bien, on a le même phénomène avec un ouragan. On a des mêmes prodiges avec César. Si vous lisez Virgile et les Géorgiques, il se passe exactement la même chose. Donc ce sont des façons d'écrire. La totalité de ce qui a constitué la biographie de Jésus procède de collages prélevés dans toutes les littératures païennes, mystiques, gnostiques, herméneutiques, millénaristes, apocalyptiques, judaïques, etc., etc. C'est du collage et on cristallise pour fabriquer des moments dans la vie de Jésus. Je vous disais tout à l'heure que tout ça entrait dans le logiciel solaire et à la perfection et on le voit bien. Jésus, du moins, c'est la lumière. Jésus, c'est le soleil. Le Christ est le soleil. Et on voit bien comment les heures du jour, les heures de l'année, sont en relation avec les mouvements du soleil ou avec les planètes. Les heures du jour, par exemple, si vous prenez les heures comme elles fonctionnent dans un monastère, je me suis enfermé il y a quelque temps à la trappe pour lire la vie de Rancée écrite par Chateaubriand, et dans les monastères, on vit sur le principe de ce découpage, qui est finalement le découpage sur lequel peu ou prou nous vivons quand nous travaillons. Il y a les heures de l'office qui sont scandées le matin par la marche du soleil, enfin les heures de l'office, pardon, sont scandées sur la marche du sommeil, du matin, pardon, du soleil. Les matines, c'est le moment de l'arrivée de la lumière, de la disparition des ténèbres. Les laudes, la fin du moment où le soleil apparaît au chevet oriental de l'église. Matine, quand je me suis réveillé, il était 4h du matin, je crois, pour célébrer matine. Je crois pas en Dieu, hein, ça m'a pas converti pour autant. Mais j'ai apprécié cette relation avec les gens du sacré. Tierce, c'est le moment du feu solaire qui monte. Sexte, l'arrivée du soleil à son zénith. C'est à ce moment-là que le soleil embrase le monde. Nonne, c'est l'heure de la mort du Christ. Et c'est l'heure où s'assombrit le monde, c'est l'heure où la lumière décline. Comme par hasard, l'heure où la lumière du soleil décline, c'est l'heure à laquelle Jésus est mort. Il aurait pu mourir à n'importe quelle heure. Non, la neuvième heure. Et c'est très précisément, de manière solaire, le moment où la lumière décline. Quand la lumière décline, Jésus meurt. Ou quand Jésus meurt, la lumière décline, parce qu'effectivement, la mort de Jésus, c'est la disparition de la lumière. Vêpres, office du soir, compli, nostalgie de la lumière une fois que la nuit est tombée. Et puis matine, le retour, évidemment, le lendemain matin, de la lumière, c'est-à-dire la résurrection du Christ. Ce jeu des heures fait la démonstration que les journées sont découpées selon l'ordre des raisons solaires et les semaines obéissent exactement à la même logique. Jadis, on pensait de manière géocentrique, c'est-à-dire on disait la Terre est au centre et les planètes sont autour et évidemment le centre c'est le Soleil et plus les planètes sont proches, eh bien plus le jour est proche. Le dimanche, d'une certaine manière, c'est le jour du soleil, bien sûr. Et donc le lundi, c'est le jour le plus proche. Le mardi, c'est le jour un peu plus proche, mais un peu moins. Le mercredi, etc. Et on a une conception cosmique, évidemment. Le soleil au centre, dimanche, le jour du soleil. Lundi, c'est le jour de la Lune. Mardi, le jour de Mars. Mercredi, le jour de Mercure. Jeudi, le jour de Jupiter. Vendredi, jour de Vénus. Samedi, jour de Saturne. Et c'est Constantin qui décide que le dimanche, c'est Sol Invictus, le soleil invaincu, et que le dimanche sera le jour du Seigneur. Et il décide ça très précisément le 3 juillet 321. C'était déjà un culte, et il y a eu une espèce de finesse, je dirais, d'intelligence chez Constantin, qui a estimé que c'était difficile de faire sauter des fêtes qui existaient déjà, et qu'il était plus facile de garder les fêtes, mais simplement de les associer à d'autres occasions. Les fêtes que nous connaissons, Annonciation, Noël, Épiphanie, Chandeleur, Pâques, Saint-Jean, Saint-Michel, etc., sont aussi des moments solaires. Noël, on va prendre un exemple que vous connaissez, Noël c'est très exactement le 25 décembre, eh bien ça correspond au solstice d'hiver, c'est-à-dire que c'est le jour de l'année où, alors évidemment ça correspond pas toujours très exactement à un jour ou deux suivant qu'on est sur un calendrier solaire ou sur un calendrier lunaire, mais c'est la zone, c'est la période à quelques heures près. Noël, c'est très précisément le moment où la nuit est la plus longue et la journée est la plus courte, mais c'est très exactement le début et à la minuit, et voilà pourquoi il y a une messe de minuit, à la minuit, nous passons au jour suivant qui est la naissance, qui est l'occasion de célébrer le retour de la lumière. Si jusqu'à minuit, on a effectivement la nuit la plus longue, à minuit juste, à minuit une, eh bien, on a le retour de la lumière. Ce que nous fêtons avec la messe de minuit, c'est le retour de la lumière. C'est évidemment le retour de Jésus, mais c'est essentiellement le retour de la lumière. Alors après, on a bougé les dates, on a eu des changements de calendrier, on avait des comptages suivant le lunaire et suivant le solaire, et on avait fixé au départ le 6 janvier. Mais les païens fêtaient le solstice d'hiver le 25 décembre. Donc on a cessé de dire que Jésus était né le 6 janvier. On a estimé qu'il fallait garder cette fête du solstice. Et on a dit, voilà, Jésus est né le 25 décembre. C'était l'équivalent du dieu Mitra ou du soleil invaincu. On allumait des bûches à l'époque parce que la bûche, elle était allumée pour aider le soleil à reprendre de la force et pour inverser le cours de la lumière. Les bûches aujourd'hui, quand on est avec un chauffage central, eh bien, on les mange, elles sont fourrées au marron, elles sont, et vous les connaissez, vous avez mangé comme des cochons, vous n'en voulez plus, eh bien, la bûche, elle arrive, et elle est là simplement pour permettre au soleil de reprendre un petit coup de force, pour que le soleil refasse la loi. En Provence, on a des grains dans des soucoupes, on met des grains dans les soucoupes, c'est évidemment la germination, ça renvoie aussi au culte d'Adonis. On utilise le sapin, qui est un arbre au feuillage perpétuel, là encore, signe d'immortalité. L'épiphanie, eh bien, c'est ce fameux 6 janvier qu'on a conservé, c'est la fête de la lumière, non plus dans la logique du calendrier solaire, mais dans le calendrier lunaire. Et c'est ce qui permet de dire que les rois mages, pour le coup, ont rencontré Jésus. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il s'agit de dire que les rois mages qui sont trois et qui ont les trois couleurs, Gaspard, Melchior et Balthazar, qui sont conduits par une comète, donc là encore, signe solaire, enfin du moins signe cosmique, ont fait tout ça avec une galette. La galette, c'est le disque solaire dans lesquels on met des fèves, et les fèves, ce sont des végétaux qui supposent une tige sans nœud. Donc avec cette tige, on imaginait, à l'époque de l'Antiquité, qu'on pouvait remonter des ténèbres de l'Hadès vers la lumière du monde. Les pythagoriciens, par exemple, défendaient ces théories-là. Et c'est un principe évidemment vital. La chandeleur nous permet d'associer la fête des chandelles chez les Romains à cette fête que nous connaissons, une fête chrétienne. C'était à l'époque la fête des Lupercales, des loups. Les gens portaient des peaux de loups, des peaux de bêtes et criaient dans les rues le tout avec force chandelle. C'est aussi une autre fête chez les Celtes, l'Imbolc. Et en 494, le pape Gélase associera donc les chandelles et les cierges pour commémorer le Christ. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des cierges, notamment le cierge pascal, et que quand vous avez un enterrement aujourd'hui, on allume toujours le cierge pascal, qui est le cierge de la résurrection. C'est le moment où on envisage les semailles avec le surplus de ce qui a été semé. Eh bien, les femmes faisaient des crêpes à cette époque-là. Les rameaux, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, acclamation, rameaux de palme, etc. Eh bien, ce sont des choses qu'on retrouve déjà chez Plutarque dans les processions païennes, avec des fruits, etc. Et je conclurai là-dessus. Comment cette biographie d'un homme qui n'a pas existé peut finalement prendre corps grâce à des collages effectués par des intellectuels, Eusèbe de Césarée, des politiques, l'empereur Constantin, aidé par tel ou tel, Hélène, sa mère. Comment l'histoire de l'art rend possible la figuration de toutes ces choses-là, et comment la cristallisation rend possible l'individu avec lequel on va fabriquer cette religion sur laquelle nous vivons encore. Alors évidemment, je suis passé très vite. Vous imaginez bien qu'on pourrait passer la totalité de la semaine et la totalité des séances de cette semaine à rentrer dans le détail de cette religion, le christianisme, pour montrer qu'elle est une religion solaire, et pour montrer que elle a donc une date de naissance, qu'elle peut donc avoir une date de décès, que ses savoirs ont été méconnus au départ par les gens du peuple, mais que par la suite, quand on leur aura raconté ces histoires-là avec la peinture ou avec l'histoire de l'art, ce sera devenu une belle histoire, une belle aventure. Et finalement, quand je disais que la religion était universelle, mais qu'elle prenait des formes particulières dans des temps particuliers, eh bien on voit bien comment cette naissance, enfin cette religion qui naît en Palestine, elle va se déplacer pour arriver à Rome, et comment, à partir de Rome, elle va conquérir ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire européen, et puis au-delà, avec les conquêtes espagnoles et autres, et tous les pays qui sont devenus catholiques sur la planète. Mais voyez comment derrière chaque allégorie catholique, derrière chaque mythologie catholique, nous avons toujours ce vieux fond qui fait que, au bout du compte, ce que nous célébrons quand nous nous agenouillons, c'est la lumière, et derrière la lumière, il y a toujours la vie et le vivant. Merci beaucoup. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. La menace est d'une autre nature pour la centrale du Bugey, située à 35 km de Lyon, également au bord du Rhône. Le danger se trouve en amont, dans le Jura, à 90 km à l'est du Bugey. Un barrage hydroélectrique exploité par EDF, qui a 50 ans cette année. Il domine la vallée de l'Ain et la retenue d'eau a généré un lac magnifique de 35 km de long, le lac de Vouglan. 600 millions de mètres cubes d'eau retenus. Cet ouvrage monumental est étroitement surveillé. 130 mètres de haut depuis ses fondations, 430 mètres de long, c'est le troisième plus gros barrage de France. Quand il est plein, la masse d'eau exerce une pression colossale sur la paroi. Si le barrage rompait, il pourrait être à l'origine d'une catastrophe majeure. Le point le plus critique pour un barrage, ce sont les rochers sur lesquels est fixé l'ouvrage. La pression de l'eau y est maximale. Mais le responsable de la sûreté hydraulique d'EDF n'est pas inquiet. Pour lui, la jonction entre la roche et le béton est suffisamment solide. Par contre, un peu de chaque côté, ça bouge un peu. Et ces grandes structures, naturellement, suivant la pression de l'eau, bougent. J'allais dire, vous voyez, comme la tour Eiffel bouge sous l'effet du vent, et bien un barrage bouge sous l'effet de l'eau. C'est normal. C'est quelques millimètres. C'est pas des mètres, c'est quelques millimètres. Pourtant, une mauvaise jonction entre le béton et la roche peut provoquer une rupture brutale du barrage. C'est déjà arrivé, il y a 60 ans, à Fréjus, dans le Var. C'est en pleine nuit que se produisit la tragédie. Les 50 millions de mètres cubes d'eau retenus dans le lac long de 10 km ont déferlé comme un mur de 5 mètres de haut à travers la vallée à la vitesse de 70 km à l'heure. La rupture du barrage de Malpassé fait 423 morts. C'est un défaut de conception qui est à l'origine de la catastrophe. Les rochers sur lesquels l'ouvrage était fixé n'ont pas tenu. 50 millions de mètres cubes à Malpassé, à Vouglan, c'est 12 fois plus, 600 millions de mètres cubes d'eau qui sont retenus par le barrage. Pour EDF, on ne peut pas comparer Malpassé et Vouglan. Le barrage du Jura est en parfait état et n'inspire aucune inquiétude. Une sérénité que tout le monde ne partage pas. C'est le cas de ce technicien qui a choisi de nous parler sous couvert d'anonymat. Il a fait toute sa carrière à EDF. Il a travaillé sur les questions de sûreté des barrages. Il a étudié des documents internes, rapports d'experts, études techniques, analyses d'incidents. D'après ses analyses, ce barrage serait plus fragile qu'il n'y paraît. Et d'abord, à cause d'infiltrations d'eau à sa base. Le barrage présente des sous-pressions élevées en pied. Alors c'est un peu technique, c'est-à-dire que quand le barrage est plein d'eau, de l'eau peut s'infiltrer sous le barrage, cette eau qui s'infiltre est à haute pression. Et donc ces sous-pressions en pied peuvent créer comme un effet de soulèvement un peu. D'après ces documents, une fissure serait apparue au pied du barrage. Et ce n'est pas tout. La liaison béton-rocher ne serait pas aussi solide. Il y a aussi une fissure de pied. Au niveau de ces fondations, il y a une fissure qui a tendance à s'ouvrir. Et donc, plus le barrage est plein, plus la fissure a tendance à s'ouvrir. Et ça, c'est pareil, ça fait une amorce de fuite et ça fragilise un ouvrage. Et il y a aussi la présence d'une ouverture du contact béton-rocher. Et quand on a une ouverture du contact béton-rocher, on a un appui qui se dégrade. Ça affaiblit la stabilité de l'ouvrage. C'est tout cet ensemble qui fait que le barrage est hyper surveillé, puisque c'est un des plus surveillés de France, peut-être même le plus surveillé, parce qu'il présente des maladies, des problèmes de stabilité. D'après les documents de notre informateur, le barrage de Vouglan peut rompre d'un seul coup. Et par mesure de sûreté, la loi impose à EDF d'imaginer le pire des scénarios dans ce cas de figure. À Vouglan, EDF prévoit une crue historique de l'Ain et du Rhône, combinée à une rupture brutale du barrage. Les 600 millions de mètres cubes d'eau seraient ainsi libérés. Une vague dévastatrice de 12 mètres de haut envahirait la vallée de l'Ain, balayant tout sur son passage et submergeant plus de 50 villages. Plus loin, 5 petits barrages, comme celui-ci, censé réguler le cours de l'Ain, seraient balayés. Mais le pire pourrait survenir 6 heures après la rupture du barrage à 90 km de Vouglan. Au niveau de la confluence de l'Ain et du Rhône se trouve la centrale nucléaire du Bugey. Et c'est là que le miracle aurait lieu. Toute la zone serait inondée, sauf précisément la centrale du Bugey. Les calculs des ingénieurs d'EDF sont si précis qu'ils prévoient que l'eau s'arrêtera ici, au niveau du parking, le long de la route départementale. Une précision étonnante, sauf pour le directeur de la centrale du Bugey, Pierre Boyer. Dans les scénarios qu'on a retenus pour dimensionner les protections de la centrale, c'est non seulement la rupture franche, encore une fois improbable, du barrage de Vouglan, associée à une crue historique déjà présente. Et donc la conjonction de cette rupture de barrage et d'une crue historique déjà présente conduirait à une élévation du niveau du Rhône devant la centrale d'environ 6 mètres. Et c'est comme ça qu'ont été dimensionnées les protections de la centrale. Le long du Rhône, on a construit un mur de protection au-dessus du niveau qu'atteindrait le Rhône dans cette situation très hypothétique. On a aussi des remblais qui ont été mis en place. Et une partie du site est aussi protégée de l'arrivée de l'eau par le relief naturel qui empêche l'eau d'arriver sur la plateforme. Et donc même dans ce scénario totalement improbable et extrêmement pénalisant, la plateforme ne serait pas atteinte par de l'eau et le site ne serait pas inondé. Et donc la sûreté des installations serait assurée. Le scénario catastrophe prévoit un barrage plein. La hauteur d'eau est calculée par rapport au niveau de la mer. Le critère est baptisé NGF, Nivellement Général de la France. Quand le barrage de Vouglans est plein, la hauteur d'eau est de 429 mètres, NGF. Or, sur un document confidentiel d'EDF Production Nucléaire que nous nous sommes procurés, le niveau choisi pour le scénario de rupture du barrage est de 424 mètres, NGF. Cette différence de 5 mètres représente 85 millions de mètres cubes d'eau, une masse d'eau qui manque donc au calcul de la vague de submersion. En abaissant la hauteur d'eau du barrage, les ingénieurs du budget ont-ils voulu prouver que la centrale ne serait pas inondée? Notre informateur anonyme ne croit pas à ce scénario rassurant d'EDF. Pour lui, la centrale du budget serait envahie par les eaux qui auront charrié des tonnes de débris et bloquerait tout le système de refroidissement des réacteurs nucléaires. Le système de refroidissement est composé de gros tambours qui filtrent, de filtres un peu plus fins, pour pouvoir introduire de l'eau propre dans les circuits. On ne peut pas refroidir avec de la boue, quoi. Et donc tout ce système de filtres va se colmater quasiment instantanément à l'arrivée de la vague. Donc tout le système de pompage sera en panne. Ça ne peut que provoquer la fusion, puisque le colmatage de la source froide et la panne électrique va provoquer la fusion. Mais selon EDF, les effets de la vague se feraient sentir au-delà du Bugey. 35 km plus loin, le Rhône déborderait à Lyon et la place Bellecour, par exemple, se retrouverait sous 6 mètres d'eau. Et plus au sud, toujours en bordure du Rhône, trois autres centrales nucléaires seraient menacées par une montée des eaux. Saint-Alban, Cruas et Tricastin. Au-delà des risques naturels qui peuvent provoquer des accidents graves, les centrales françaises ont vieilli. 34 réacteurs vont bientôt atteindre 40 ans. C'est la durée maximale d'exploitation des réacteurs prévue par les ingénieurs de Framatome. Fessenheim, Le Bugey et Tricastin ont déjà 40 ans. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Mais pour EDF, tout va bien. C'est le discours bien rodé du directeur du parc nucléaire, Dominique Minière. Comme le prescrit l'AIEA, le premier responsable de la sûreté, c'est l'exploitant. Notre responsabilité, c'est donc d'améliorer en permanence la sûreté de notre parc. Que ce soit devant les députés en commission en 2014, ou aujourd'hui devant les journalistes, Dominique Minière reste convaincu des vertus du nucléaire français. Déjà, je voudrais commencer par dire qu'on a un parc nucléaire sûr, propre, compétitif, qui fournit une énergie bon marché en abondance, sans CO2, sans gaz à effet de serre, et ce qui me paraît effectivement extrêmement important. 40 ans pour un réacteur, ce n'est pas un problème. On peut le prolonger au-delà. On se met en situation, clairement, de pouvoir étendre la durée de fonctionnement, et clairement, vu d'aujourd'hui, on n'a pas de difficulté pour amener nos réacteurs à 60 ans, ce qui ne veut pas dire qu'on amènera tous nos réacteurs à 60 ans. On n'est pas en train de parler de ça. Mais clairement, on n'a pas de difficulté sur les composants non remplaçables, à savoir la cuve du réacteur et l'enceinte du bâtiment réacteur, à les amener à 60 ans de durée de fonctionnement. Quand on écoute EDF, plus un réacteur vieillit, plus il est sûr, parce que à chaque réexamen de sûreté, on relève les exigences et on introduit des renforcements. C'est un raisonnement qui est évidemment faux, tout le monde peut s'en rendre compte. Évidemment, les réacteurs sont de moins en moins sûrs. Et plus on avance en âge et au-delà de 40 ans, on s'aventure en terrain inconnu, plus évidemment le risque d'accident est élevé. Alors EDF dit, mais oui, je peux aller à 60 ans, mes réacteurs sont sûrs, même 80, pourquoi pas 100, hein, je veux dire, on peut y aller. Hein. C'est à nouveau un mensonge. Pour les représentants de Greenpeace et de WISE, agence d'information sur l'énergie, l'état du parc est inquiétant et les réparations engagées ne suffiront pas. Sur ce que je considère être une crise systémique de la sûreté et de sa gouvernance. Ils sont venus le dire aux députés en commission en juin dernier. On a un véritable problème, c'est qu'on va bricoler un certain nombre de choses pour dire, vous voyez qu'on peut continuer. Simplement, la réalité, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un courage politique vis-à-vis de la transition énergétique et un courage de sûreté vis-à-vis de l'autorité de sûreté pour dire stop, stop. Nos centrales ont été faites pour une durée de vie. Toute amélioration aujourd'hui n'arrive pas à un niveau de sûreté qui est équivalent à ce qu'on pourrait concevoir aujourd'hui. On ne peut pas continuer ces réacteurs. J'avais coutume de dire, notamment lorsque je travaillais à l'international, que le nucléaire français me paraissait être quand même un des plus sûrs au monde. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être celui dont la sûreté se dégrade le plus vite au monde. Tous les voyants sont aujourd'hui au rouge. Et donc, je n'ai jamais autant craint qu'aujourd'hui un accident nucléaire grave dans notre pays. En ce qui concerne les prérogatives de l'ASN... Cette barrière des 40 ans d'âge, atteinte par 34 réacteurs, a été au centre des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur la sûreté nucléaire. Pierre-Franck Chevet, le président de l'autorité de sûreté nucléaire, a été entendu plusieurs fois par cette commission. Brutalement, à 40 ans, il ne se passe pas quelque chose physiquement sur les centrales. Il n'y a pas la sûreté qui se dégrade brutalement à 40 ans. Simplement, les calculs initiaux qui ont été faits pour concevoir les centrales ont été faits en prenant comme hypothèse 40 ans. Et donc, arrivant aux 40 ans, il faut réétudier pour voir si c'est possible d'aller plus loin et à vérifier qu'il n'y a pas de vieillissement, que ça ne se dégrade pas et qu'on est dans l'état, entre guillemets, initial, pas de vieillissement. Je suis d'accord que la sûreté nucléaire n'a jamais été aussi urgent à traiter, à gérer. Mais regardez ce qu'on fait. On fait intervenir le patron de l'ASN régulièrement au Parlement. Et après? Après quoi? Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence est telle qu'il faut réduire le nombre d'installations rapidement et probablement de façon draconienne. Si les experts s'inquiètent, c'est parce que des éléments essentiels des installations nucléaires sont défectueux. D'autres ne sont pas aux normes de sûreté exigées et parfois dès leur fabrication, depuis l'origine du parc nucléaire français. Ces pièces sont sorties des forges du Creusot, en Saône-et-Loire. Notre informateur anonyme nous a transmis des documents montrant que des pièces métalliques étaient sorties des forges du Creusot alors qu'EDF savait qu'elles n'étaient pas aux normes. EDF a accepté des tubulures de cuve qui n'étaient pas conformes en termes de teneur en chrome dans le métal. C'est quoi une tubulure ? Alors là, on a une représentation schématique d'une cuve de réacteur. La tubulure de cuve, il y en a une là, une autre ici. C'est ce qui permet de raccorder les tuyauteries primaires à la cuve. Le problème, c'est que ces pièces sont contrôlées par des techniciens appartenant au complexe nucléaire. Prenons cette fiche d'anomalie de 1981. Elle révèle un taux de chrome anormal dans le métal d'une tubulure. Alliage non conforme. EDF demande une dérogation sous prétexte que la réglementation aurait changé. Dérogation acceptée. La tubulure défectueuse peut être installée sur un des réacteurs de la centrale de Chinon. À l'époque de la fabrication, est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de laxisme de la part d'EDF ? Je vous invite à relire la fiche, je l'ai sur les yeux, je la découvre. Hein. Et elle dit clairement l'analyse chimique surcoulée, donc le teneur en chrome de 0,30 alors que 0 inférieur à 0,25 demandé, mais effectivement, acceptation à l'État, parce que finalement, Dans la coulée, certes, il y avait 0,30, mais finalement, sur la pièce, la valeur était respectée. Non, sur la pièce, la valeur était de 0,30 aussi. Demande d'acceptation à l'État, les résultats d'analyse sur pièce étant conformes, je le dis, monsieur. La pièce était bien défectueuse et a été installée alors que la réglementation, qui n'a jamais changé, indique bien un taux maximum de chrome de 0,25%, que ce soit dans la coulée ou dans la pièce finale. Aujourd'hui, EDF recherche dans ses archives le nombre d'éléments non réglementaires installés dans ses centrales nucléaires. Sur 23 réacteurs inspectés, des pièces présentent 1063 anomalies et 233 non-conformités. Mais selon EDF, il n'y aurait aucun risque. Croire l'électricien sur parole, certains s'y refusent. C'est le cas de l'association Stop Bugey, qui demande l'arrêt de la centrale du Bugey qui a 40 ans et qu'elle juge dangereuse. On avait demandé à EDF, ça c'est les documents qu'on a demandé pour les 94 irrégularités de Bugey 3, qui nous a été renvoyé. Se conformant à la loi de 2006 sur la transparence en matière nucléaire, l'association réclame régulièrement des documents à EDF. Et quand elle les reçoit, voilà à quoi ils ressemblent. Les documents sont caviardés. Donc, on voit les documents où c'est caviardé en noir. Hein, vous voyez quand même. Voilà, et puis ça, bah, c'est des documents où on a mis du jaune à la place du blanc pour qu'on voit quand même qu'il y a quand même. Alors, mais la moindre température, hein, on nous enlève. Ce qui fait que c'est complètement inexploitable, quoi. Ben, en fait, on sent qu'il y a une volonté d'empêcher toute expertise externe. Est-ce qu'on peut, quand on voit ce type de document, parler de transparence ? L'ADN de notre industrie, c'est la transparence vis-à-vis du public et de l'autorité de sûreté. Et aujourd'hui, réglementairement, quand on nous pose des questions de toute nature, on répond. Et c'est encadré par la loi. Et donc, quand on a des réponses, on donne les documents, mais aussi on a des secrets industriels, mais des choses industrielles qu'on veut préserver. Mais néanmoins, les documents qui sont transmis permettent toujours de répondre aux questions qui nous sont posées. Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagous elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG, c'est nous qu'on sera les PDG, remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors l'a dit, et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagous elles changeront de doigts, quand l'homard il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les PDG. Au port de Marseille-Marignane, 3h du matin. Sur ce parking désert, une cinquantaine de Turcs. Ils viennent de débarquer d'un vol charter en provenance d'Istanbul. Ils ont tous un permis de travail. Ils sont routiers et viennent conduire des poids lourds en France. C'est le tour d'un film. C'est comme Hollywood. Mais on va devenir célèbre. Ils sont payés en moyenne 3 fois moins qu'un chauffeur français. Touran est un habitué de ces missions qui ont commencé il y a 6 mois. Vous connaissez bien la France ? Oui, un petit peu. à gauche, à droite, tout va. Chargé, déchargé. Bonjour, monsieur, madame, mademoiselle. Ce sont les seuls mots que nous connaissons. Pour tous ces routiers, la destination, c'est le port de Toulon. Ce sont toutes mes affaires personnelles et mes vêtements pour 15 jours. Les routiers sont déposés sur ce parking où ils retrouvent d'autres chauffeurs turcs. Dans quelques heures, ils partiront livrer leurs marchandises aux quatre coins de la France ainsi que dans toute l'Europe. Je vais me reposer. Et demain, si Dieu le veut, je partirai sur les routes. Ces routiers turcs sont de plus en plus nombreux à venir travailler en France. Alors, lorsqu'un routier français arrive à la douane du port de Toulon, c'est l'événement. Pour une fois, c'est un transporteur français. Un transporteur français. Merci, monsieur. C'est bien aimable. Il y en a beaucoup de transporteurs français comme monsieur. C'est le seul. Je suis le seul français ici, au milieu de... Combien de Turcs, chef ? Voilà, 140. 140, oui. Le seul, déjà, ça vous donne une idée. Vous prenez les Portugais et les Grecs, quand ils sont rentrés dans l'Europe, c'était eux qui étaient, on va dire, au ras des pâquerettes. Maintenant, allez les voir, ils ont bien monté. Ils sont pas encore arrivés à notre niveau, mais ils ont bien monté. En salaire, en matériel, le matériel qu'ils ont par rapport à ce qu'il y a avant. C'est... Et maintenant que ces gens sont arrivés, pas à notre niveau, mais pas loin, on a été chercher des gens qui sont encore deux fois plus pauvres que les Portugais ou les Grecs quand ils sont arrivés. Combien de temps on va mettre avant que ces gens-là arrivent à peu près à notre niveau ? 50 ans. Et nous, en attendant, on a les deux pieds sous le frein. Nos salaires à nous, ils sont comme ça. En attendant que les autres remontent un peu. C'est tout, c'est pas compliqué. Même les Turcs délocalisent en Bulgarie. Ils ont des dépôts, vous voyez ? Il y a des machins, il y a... je ne vais pas citer de nom, mais... Ils ont des tracteurs bulgares. Vous voyez où on en est ? Même les Turcs délocalisent et vont chercher des tractionnaires bulgares. Vous avez même des sociétés roumaines qui délocalisent en Moldavie. Alors bientôt, on va aller chercher qui ? Les Chinois. Mais on va y arriver, hein. Ces chauffeurs étrangers sous-payés dont parle ce routier, il y en aurait des milliers en France. Bon nombre de sociétés de transport françaises ont profité de l'ouverture européenne. En créant des filiales dans les pays les plus pauvres de l'Union, elles ont embauché des chauffeurs locaux pour ensuite les faire travailler en France. Ils vivent sur le bord de la route, sur des parkings, et sont payés trois fois moins qu'un Français. Une main-d'œuvre bon marché. Routiers français qui ne sont d'ailleurs pas épargnés par cette course au profit. Ils sont parfois incités à tricher et à prendre des risques sur la route pour faire des économies. Une logique de rentabilité qui peut entraîner des drames. Dans quelles conditions vivent et travaillent ces chauffeurs étrangers ? Comment les routiers français font-ils face à cette concurrence ? Quelles sont les conséquences sur la sécurité routière ? Enquête sur les nouveaux esclaves de la route. Retour à Toulon. Depuis avril 2010, ce parking s'est transformé en campement pour les chauffeurs turcs. Ils y ont pris leurs habitudes et chacun a son rituel. Hussein vit sur ce parking depuis déjà une semaine, loin de sa famille et de sa femme. Elle s'appelle Ouri. J'essaie de l'appeler tous les jours, mais aujourd'hui, je n'ai pas pu. Je pense qu'en 31 ans de métier, j'ai dû passer 5 ans au total avec ma famille. Hussein quitte régulièrement la Turquie pour des missions qui peuvent durer jusqu'à un mois et demi. Vous voyez, j'ai surligné toutes les villes où j'ai été. Depuis 4-5 mois, je viens régulièrement en France. Avant, c'était tous les 3 ou 4 ans. Vous savez combien gagnent les routiers français ? Non, je ne sais pas exactement. Mais je sais qu'en Europe, les chauffeurs gagnent beaucoup plus que nous. Tout Tous ces routiers gagnent en moyenne 800 euros par mois. Deux fois le SMIC turc, mais toujours beaucoup moins qu'un chauffeur français. Bonne nuit. Touran va dormir dans son camion, mais la plupart des autres routiers turcs vont passer la nuit à même le sol. Dans quelques heures, la marchandise qu'ils doivent livrer arrivera par bateau. Du matin. Ce cargo vient du port de Tekirdağ. Il fait le trajet Turquie-France deux fois par semaine. À l'intérieur, des dizaines de camions et de remorques. Des chargements de pièces mécaniques, de textiles et d'électroménagers. Cette liaison maritime a été ouverte en avril dernier. Tous les mercredis et dimanches, les chauffeurs turcs arrivés par avion dans la nuit viennent chercher leur camion. Marcel, combien il nous en reste de remorques en bas? On a bientôt terminé. Une quinzaine. Hervé Brenac a créé cette ligne maritime avec Tanak Tuna, représentant des transporteurs turcs. Un bateau comme celui-ci, on met 3600 mètres linéaires de camion. Grosso modo, on met 3 600 km de camion qu'on évite à la route et aux autoroutes. Et tout ça est transporté par un seul bateau en 3 jours, alors qu'une liaison entre Istanbul et Paris, c'est entre 6 et 7 jours. Des tonnes de marchandises arrivées par bateau, des chauffeurs turcs acheminés par charter. L'opération paraît très rentable, mais est-elle vraiment légale ? Marc Grollo, transporteur de la région marseillaise, considère qu'il s'agit de concurrence déloyale. Une opération d'accrocher une semi-remorque sur le port de Toulon, si elle est effectuée par un chauffeur turc, qui est géré à des conditions sociales turques, qui reste sur le territoire français, c'est une opération qui est interdite. Bon, la réglementation est telle. Vous répondez quoi, vous, à cette accusation d'opération illégale? J'éviterai d'utiliser le mot illégal. Oui, illégal, c'est un peu fort. Vous voulez utiliser des interprétations qui sont différentes. Vous ne voulez pas qu'on emploie le mot d'illégal, mais c'est quand même celui-là. S'il s'agissait d'une action illégale, alors pourquoi ne pas arrêter ça depuis le mois de mai? Le problème, c'est cette centaine de remorques dans le cargo. Débarquées sur le port, elles sont accrochées à des camions immatriculés en Turquie, qui, eux, sont restés en France. C'est cette pratique qui est strictement interdite. Elle est contraire à la réglementation européenne. Et pourtant, c'est ce que fait Touran. Comme des dizaines d'autres chauffeurs, il accroche sa remorque descendue du bateau à son camion turc pour livrer en France. Je vais à Paris. Alors, je dois aller faire les procédures de douane. Et après, j'irai décharger. Cette ligne fonctionne depuis plus de 6 mois, sans aucun problème et avec le concours des autorités locales. Les Turcs, eux, sont indifférents à ces débats. Sur leur parking campement, ils se préparent à prendre la route. Il faut couper plus finement, non ? Mais non, ça change rien. Eh, hey, Touran, il nous reste du raki ? Pour ces chauffeurs turcs, ce voyage au départ de Toulon sera sans doute le dernier. 2 mois après notre tournage, le ministère français des Transports a menacé leur patron de fortes amendes pour infraction à la législation européenne. Pour l'instant, les sociétés de transport turques ont préféré abandonner l'exploitation de cette ligne. Mais d'autres transporteurs, de grands groupes français cette fois-ci, ont trouvé un autre système pour bénéficier d'une main-d'œuvre à bas prix. André est un routier français qui travaille dans un de ces groupes. T-shirt, serviette. Tiens, tu peux me ramener 2 t-shirts, s'il te plaît ? Ce soir, il part pour une semaine de livraison dans toute la France. En disant, regarde, je vais partir, et après, je je rappellerai demain matin à 7h, ouais, quand je pars au boulot. Ouais. Le plus dur, c'est pour les ptios, hein. Le plus dur. Hein. J'ai jamais vu grandir mes ptios, hein. C'est, ils ont grandi tout seuls, hein. C'est leur mère qui s'en occupait. Hein. C'est dur. C'est dur une semaine, quoi. On lui téléphone, là, c'est pas pareil. Bon, allez, hop. Bon, à lui, toi, vous. Bon, et ben, demain, ou je t'appelle demain matin. Montez sage, gros, hein. Comme à chaque début de mission, André part chercher son camion. Son employeur, c'est Norbert d'Entresangle, le numéro 1 du transport français. Dans cette base, protégée par des grillages et sous vidéosurveillance, des dizaines de Polonais employés par le groupe. Norbert d'Entresangle a ouvert une filiale en Pologne pour pouvoir les faire venir en France. Ces Polonais vivent et dorment dans leur camion. Pour témoigner de leurs conditions de travail, nous entrons dans cette base en caméra cachée. Ils partent ce soir, les autres, là ? Ça. Les Polonais. André croise le gardien du site. Oui, au moins. Ils partent pas seuls, ils restent là. Ils ont sorti toutes leurs valises. Oui, mais il y a une navette qui va venir. Ah, pour le changement de personne. Oui, tout le temps, à chaque fois. En effet, tous les week-ends, des minibus ou des monospaces avec remorque arrivent de Pologne avec à leur bord de nouveaux chauffeurs. Ça, c'est les nouveaux qui vont reprendre des camions. Ils vident leurs bouteilles d'eau, leurs affaires, pour pouvoir manger pendant 15 jours ou 3 semaines. Et après, tous les autres, quand ça sera vide, tous les autres chauffeurs, ils vont remettre leurs affaires sales dedans pour repartir. Moi, j'appelle ça, c'est de l'esclavage. Hein. 20 heures de route, hein. 20, 22 heures de route en voiture. Hein. Puis ils vont monter à 9. C'est une sacrée misère. Hein, Yves. Ouais, chauffeur, ouais. Monter de Pologne, Pologne redescendre, camion. L'indignation d'André ne s'arrête pas là. Il nous fait visiter une pièce, la seule et unique salle mise à la disposition des centaines de chauffeurs du site. Là, c'est la salle chauffeur. Alors, les Polonais, des fois, ils sont 40, 50 ou plus, ou des fois 100. Il y a que ça. C'est pas terrible. Hein. Là, c'est nos WC, les douches pour 400 à 500 personnes. Il y a deux lavabos pour se laver le matin et trois douches. Ça, c'est les sanitaires pour tous les chauffeurs ? Tous les chauffeurs. Pour 500 chauffeurs. Ouais, ouais, c'est pas beaucoup, hein. Et deux WC. Hein. Le gardien nous rejoint. Tous les week-ends, il surveille les chauffeurs polonais et roumains qui vivent dans la base. Il ne sait pas qu'il est filmé. Il se laisse aller à des propos xénophobes et donc condamnables. Et le roumain est plus procheur et le polonais est juste en merde. Mais au maximum, ça fait combien ? Maximum, ça peut monter à 80. Et vous les gérez tout seul alors qu'il y a une année, c'est pour ça que j'ai mon bateau. Je tape un coup dans les gens, ils m'emmerdent pas. Ça fait mal quand les gens pensent. T'es déjà arrivé de le faire ? Bien sûr. Mais attends, j'ai pas envie de prendre un toi. Je ne peux pas dire qu'ici, ils ne consomment pas. T'as des bouteilles partout. Ouais. Je vais voir. C'est bien. Je vais me méfier. Tu sais, les chiens comme ça, les gouvernants, ouais, c'est impressionnant. Le mec, il a peur quand même. Ça, c'est un peu le défi. Quatre chauffeurs polonais ont accepté de nous parler. Carole, Pavel, Yann et Michal conduisent des camions immatriculés en Pologne. Ils font des trajets internationaux et parfois des livraisons sur le territoire français. Voici notre salaire, avec tout le détail des frais. Ça, c'est ce qui rentre sur mon compte. C'est des zlotys, pas des euros. 5 247 zlotys, soit environ 1 300 euros. Le salaire de base est de 500 euros, auquel s'ajoutent des frais journaliers de 40 euros. Pour le même travail, un Français touche environ deux fois plus, 2 500 euros, frais compris. Les frais augmentent notre salaire, mais on ne peut pas dépenser cet argent. Alors, on vient en France avec notre propre nourriture. Moi, j'ai l'impression de travailler pour des patrons français, mais avec un tarif polonais, c'est ça le problème. Nous, on voudrait le même salaire. En plus, le planning nous fait travailler en Angleterre pendant les jours fériés. On ne profite d'aucun jour férié, ni ici, ni en Pologne. La seule fête qu'on ait, c'est Noël. Et pourquoi, quand les camions français sont sur la base, les chauffeurs sont au chaud, à la maison? Et nous, on doit rester sur la base comme des chiens dans leur niche. Ce n'est vraiment pas juste. Ils nous exploitent à fond. Pourtant, cette entreprise a de bons résultats. Il serait environ 800 Polonais à travailler en France pour Norbert d'Entresangles. La plupart des autres grands groupes français utilisent de la main-d'œuvre polonaise, tchèque ou slovaque. Des chauffeurs low-cost. Pour Norbert d'Entresangles, l'opération est très rentable. Le groupe a enregistré plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2010. Mais cette pratique est-elle vraiment légale? Nous sommes allés interroger Maître Rachid Brihi, avocat spécialiste en droit social. Cette pratique est totalement illégale. En fait, c'est une utilisation des règles européennes qui sont en réalité contournées et qui cherchent en réalité à faire comme si l'espace économique européen était le Far West, d'une certaine manière. Le premier objectif qui est poursuivi, il n'y a pas de discussion possible, c'est manifestement le dumping social. Ça ressemble quand même à une forme d'esclavage moderne. Pour le moment, ni l'inspection du travail, ni les instances européennes n'ont ouvert d'enquête. Malgré plusieurs demandes de notre part, la société Norbert d'Entresangles n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. Nous nous sommes rendus dans l'Oise, où se tenait un séminaire de la Fédération nationale des transports routiers. Nous avons interrogé son délégué général pour connaître sa position sur ces pratiques. C'est une obligation de réduire des coûts pour rester compétitif. Compétitif face à qui ? Face à la concurrence européenne au sein même de l'Union européenne. Nous sommes en compétition sur le territoire français avec des routiers polonais qui n'ont pas les mêmes règles sociales, fiscales que les routiers français. Pour Jean-Paul Deneville, les transporteurs français ne font donc que se défendre face à la concurrence européenne. Mais à la fin de l'entretien, il se montre plus nuancé sur la validité des montages juridiques qui permettent de faire travailler des Polonais en France. C'est des montages juridiques complexes. Voilà. Très sophistiqués. Au plus près, borderline, mais à l'intérieur de la réglementation européenne. On est limite, hein, mais c'est à l'intérieur des limites. Les transporteurs français ne se contentent pas de jouer avec les règles européennes. Pour toujours plus de rentabilité, une pression croissante s'exerce sur les chauffeurs français. Un stress qu'André vit au quotidien. Ah, c'est où ce bordel-là ? Ce matin, il doit trouver son client le plus rapidement possible, car les heures de travail d'un routier sont strictement réglementées. Tiens, allez là-bas, c'est bon. Je le vois. Dans la journée d'un routier, il y a plusieurs phases. Le travail, c'est-à-dire la conduite, le chargement ou le déchargement, et le repos. C'est au routier d'indiquer son activité sur un compteur spécifique. Alors, pour être plus rentable, certains sont poussés à tricher. Et bien là, je me mets en coupure parce que là, j'arrive chez mon client pour vider mon camion. C'est quoi coupure ? Ma coupure, c'est repos. Mais pourtant, là, tu vas travailler ? Oui, je vais travailler, mais par contre, la direction oblige maintenant pas mal les conducteurs à se mettre sur coupure pour pouvoir travailler plus. Nous avons suivi André en caméra cachée chez son client. En trichant sur son temps de travail, il prend des risques. J'évite de faire ça parce que c'est un accident. Le client, il va dire, je reconnais, à 9h du matin, le monsieur du camion, il est tombé, ils sont venus chercher à 9h. Et si la médecine du travail, hein, la sécu, rien de mon dit, si à 9h du matin, je suis en coupure et je suis en infraction. Une infraction devenue de plus en plus courante. Saint-Arnoult, dans les Yvelines, le plus grand péage d'Europe. Ici, les routiers sont particulièrement surveillés. Philippe est contrôleur terrestre. Il vient d'arrêter un camion français. Monsieur, bonjour, ministère des Transports, contrôle routier. Je vais demander de me présenter 28 disques, s'il vous plaît. Merci. Donc sur ce disque, on peut visualiser que ce conducteur, hier, est parti à 9h, a fait sa période de conduite légale jusqu'à 12h30, a fait une interruption de conduite de plus d'une heure et est reparti à 13h30 jusqu'à 17h, une autre interruption de conduite et il s'est arrêté à 20h. C'est tout bon. Philippe doit d'abord s'assurer que le chauffeur ne triche pas sur son temps de repos, pour éviter qu'il ne devienne dangereux pour lui-même ou pour les autres. Mais ces contrôles sont loin d'être infaillibles. Il y a des patrons de sociétés de transport qui poussent leurs conducteurs à se mettre en coupure. Il y en a, ouais. Ouais. Il y en a. Enfin, moi, je ne le fais pas. Ouais, je vais vous dire franchement, si ça m'arrive, quand les vendredis, les trucs comme ça, j'ai déjà un quart d'heure de coupure, il faut que je refasse une demi-heure. Bon, je me mets une demi-heure en coupure et je me remets en travail. Ça, je vais vous dire, ça arrive. Normalement, je ne devrais pas le dire devant monsieur, mais bon. Voilà, c'est des choses. Ah oui, mais c'est la vérité, vous savez aussi bien que moi. Ah, c'est sûr que c'est une infraction à relever, c'est pour ça que je me permets de regarder les disques de monsieur. Le 5 et le 6. Là, vous avez de la chance, vous avez que des bons disques. Je vais certainement le sermonner un petit peu, de manière à ce qu'il recommence pas, parce que c'est pas bien ce qu'il fait. Mais bon, ceci dit, ce sont ses propos. Maintenant, j'ai rien pour le constater. Voilà. Le contrôleur est embarrassé. Il n'arrive pas à déceler l'infraction avouée par le routier. Il s'éloigne pour parler à sa direction. C'est génial. Le conducteur, là, me révèle que le vendredi, pour rentrer chez lui, il roule sur la position repos. Okay. Moi, qu'est-ce que je fais tout de suite? Je regarde les disques, je regarde un petit peu les stylets et tout ça. Bon, sur ceux qui me présentent, il n'y a rien du tout. Ouais. Mais il l'a dit directement devant la caméra. Et il me présente le bon nombre de disques, le permis est en ordre, la lettre de voiture est bonne. Et nous, on fait le constat que son tournage est excellent. Et voilà. Moi, je suis incapable de relever une infraction malgré ses dires. C'est impossible. Mais en plus, c'était spontané, quoi. C'était spontané. Ah, c'est dingue. Hein. Le contrôleur ne veut pas perdre la face. Il décide de repartir à la charge. Vous allez m'expliquer comment vous faites pour pas que ça se voit les vendredis? Vous m'avez mis le doute, hein, je vous le dis. Hein. Ah non, mais... Et spontanément, vous me dites que vous truandez, donc... Bah si. Allez où la boîte à fusil, monsieur, s'il vous plaît? Philippe obtient même du renfort pour fouiller le camion. Ça, c'est frigo. La lumière au-dessus. La lumière. Mais ils ne trouveront rien. Alors? C'est pas fructueux. On pourrait démonter tout le camion. Je pense pas que ça changerait le problème. Voilà. Pour encore plus de rentabilité, certains routiers sont poussés à commettre des infractions plus graves, au détriment de la sécurité routière. Dans cette gendarmerie de Montélimar, un camion est immobilisé depuis 24 heures. Les gendarmes ont découvert que le routier utilisait un aimant pour détraquer le compteur qui mesure son temps de travail. Bonjour, monsieur. On va procéder au paiement de la consignation. Vous pouvez me suivre. Ce routier belge a enchaîné les livraisons pendant plus de 20 heures sans s'arrêter et sans laisser de traces sur son compteur. Un vrai danger de la route. J'ai roulé 26 heures au lieu de 10 heures. Et c'est votre patron qui avait mis cet aimant sous votre siège? Qui nous l'a fourni, oui. Moi, je l'ai découvert parce que c'est pas mon camion. Quoi. Je l'ai découvert, il était en siège. Et c'est un aimant de quelle taille? L'équivalent d'une pièce de 2 euros. Il m'a dit, ça te sert pour tricher. Quoi. Et alors, il me disait, écoute, si ça ne te plaît pas, ben, tu cherches une place ailleurs. Cette fraude est imposée par la société de transport pour faire plus de bénéfices. En effet, ce simple aimant qui vaut une trentaine d'euros permettent aux routiers de cacher toutes leurs heures de conduite, mais aussi de rouler au-delà de la vitesse autorisée. Je peux le mettre à 140, 150 sans problème. Vous savez qu'il y en a chez nous qui... Moi, j'appelle ça des kamikazes, quoi. Les risques. Aller tuer une personne innocente. Patrick cumule les infractions. Son patron écope d'une amende de 18 500 euros. Un record pour la région. un représentant de la compagnie d'assurance de la société de transport, est venu régler la somme pour libérer le routier et surtout sa précieuse marchandise. Et si vous allez continuer à faire vos bêtises, à un moment donné, à mon avis, vous aurez été fatigué et ça allait droit à la catastrophe. Redevenez un chauffeur routier qui respecte bien la réglementation en vigueur. D'accord ? Ok, très bien. Je vous accompagne. Patrick peut reprendre la route. Il va récupérer son camion, sa remorque et rentrer en Belgique où son patron l'attend. Ils sont sur le champ, j'en suis sûr et certain. Et puis alors, je vais avoir un interrogatoire, quelque chose de pas possible. Et comme il le redoutait, il a été licencié dès son retour. Allô ? André, lui, est en route pour une nouvelle livraison. 366 638. Merci, à tout à l'heure. On donne les kilomètres, c'est pour la facturation du client. Les kilomètres, et comme ça pour voir aussi si le conducteur il n'a pas fait des kilomètres parasites, qu'il n'est pas sorti, qu'il était se promener ou aller manger dans un restaurant routier à 15 km plus loin ou 20 km. Maintenant, sans arrêt, on vous appelle, t'es où, sans arrêt. C'est pénible, c'est stressant. Hein. Prenez la sortie. Pourquoi vous sortez de l'autoroute ? On sort autoroute parce qu'il y a des portions qui sont interdites. On gagne 10 euros, 15 euros par des petits morceaux qu'on sort. C'est les consignes du patron et on a un carnet, c'est marqué. Les autoroutes qu'on a le droit de prendre, les autoroutes interdites. Et tout est marqué. Pour minimiser les coûts, l'employeur d'André l'incite à prendre des routes nationales, sans péage, plutôt que des autoroutes. Mais elles sont beaucoup plus dangereuses. Au volant d'un 40 tonnes, André ne peut se permettre le moindre moment d'inattention. On ne sait pas ce qui va arriver. Hein. Il peut très bien arriver une voiture de droite ou de gauche, ou des gens en vélo, ou des personnes en voiture faire un demi-tour. Dans certaines régions, des sangliers, n'importe quoi. Alors, faut être vigilant. Les gens qui se donnent n'importe où, bon, il faut bien qu'ils draguent le facteur. Hein. Il s'arrête, il faut faire attention. Et si André ne suit pas les consignes de sa direction, il reçoit des courriers. Monsieur, ça fait 3 fois qu'on vous envoie un petit courrier comme quoi les portions d'autoroute un tel, on n'a pas le droit de la prendre. Et là-dessus, nous marque la somme, 344,66 euros. Ils nous culpabilisent comme quoi qu'on a fait dépenser des sous à la société. Comme les patrons d'André, beaucoup de transporteurs, français et étrangers, incitent leurs chauffeurs à prendre les nationales pour plus de rentabilité. Ici, en Charente, chaque jour, les nationales 10 et 141 sont engorgées par 12 000 camions. Des poids lourds qui mettent parfois en danger les automobilistes. Il y a 6 mois, un drame est survenu sur la nationale 141. Un jeune homme de 24 ans, Julien, meurt en percutant un poids lourd. Il perd le contrôle de son véhicule lors d'un dépassement. Puis sa voiture heurte de plein fouet un camion stationné illégalement sur la bande d'arrêt d'urgence de la Nationale. Le chauffeur s'était arrêté pour y passer la nuit. C'est le colonel Binard qui est intervenu sur cet accident. Et il est venu percuter le muret à cette hauteur-là. Et avec l'élan, la voiture a poursuivi sa course et est venue s'encastrer dans le camion. Le chauffeur du poids lourd s'est situé entre la remorque et le muret. Donc il a entendu le choc et quand il est arrivé, il a mesuré les conséquences de ce stationnement. Les parents de Julien ont accepté de nous recevoir. Leur fils habitait encore chez eux. Daniel et Michel doivent apprendre à vivre sans lui. On n'achète plus la même chose. Quand je fais les courses, il y a des rayons ou des choses que j'achète plus. Et des fois, instinctivement, j'y vais, je tends la main, puis je dis, ben non, ça, il est plus là. C'est vrai que ça fait partie des choses du quotidien. C'est des choses qu'on souhaite à vivre à personne. C'est votre premier jour de congé. Le matin, vous déjeunez avec votre fils. Vous commentez le journal. Il part en vous disant « Maman, qu'est-ce que tu m'as préparé à manger ?» Bah, tu auras la surprise. Et puis 2 heures après, vous avez le maire de la commune qui sonne à la porte puis qui vient vous annoncer la nouvelle. Donc c'est quelque chose de terrible, quoi. On perd les parents, on est orphelin. On perd son mari, sa femme, on est veuf. On perd un enfant. Bah, donnez-moi le mot. C'est vrai. Il n'y a aucun mot. Il n'y a aucun mot pour ça. La famille attend maintenant les résultats de l'enquête sur ce camion garé illégalement sur la bande d'arrêt d'urgence. Bon, on est en droit de penser, on le pense intimement, que le camion n'aurait pas été là. Notre fils serait peut-être, lui, encore là. Mais en vouloir au chauffeur, il parle pas français, il parlait pas français. Est-ce qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de s'arrêter là? Bon, il est parti avec une amende, je ne sais plus, de 175 euros ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est paradoxal, mais bon, c'est pas les chauffeurs routiers, en fait, qui sont le plus incriminés là-dedans. Je pense que c'est la façon, ce qu'on leur demande de faire et autres. Je pense qu'à partir du moment où on a des autoroutes pas loin et autres, il devrait y avoir... Essayez peut-être de commencer à dire on interdit vraiment la circulation des transports routiers sur les réseaux secondaires. Ces camions qui envahissent les routes nationales, c'est aussi une préoccupation pour les gendarmes du département. La nuit, ils patrouillent régulièrement pour verbaliser les routiers qui se garent illégalement sur le bas-côté. Sur cette portion de la RN 141, un véhicule sur deux est un poids lourd. Celui-ci est tchèque. Il est 22h. Ce chauffeur est arrêté, sans doute pour la nuit. Bonsoir, monsieur. Ce n'est pas un parking ici? Non, c'est pas un parking. Ok. Présentez les papiers des camions. Si. Le gendarme contrôle les disques du routier. Tous les soirs, la conclusion est la même. Et il ne peut pas aller plus loin, en fait, hein, sans être en infraction. Il y a des gens qui ont l'habitude de travailler de telle sorte et qui ne font pas l'effort d'aller chercher un parking. Ben, pour plusieurs raisons. Hein. Déjà, c'est vrai qu'ils habitent dans des pays où c'est peut-être autorisé de s'arrêter sur le bord des routes. C'est aussi des gens qui jouent à la minute près en heure de conduite et qui voudraient surtout pas dépasser pour pas être sanctionnés sur une conduite continue qui dépasse les 4h30. De plus, ils savent très bien que l'infraction pour le stationnement s'élève à 35 euros, alors qu'un dépassement de temps de conduite, c'est 135 euros. Donc ils n'hésitent pas à s'arrêter au moment où ils le décident. J'ai procédé au contrôle du chronotachygraphe également. En 2010, les infractions de stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence ont été multipliées par 2 dans le département. C'est possible de donner argent cash, 35 euros. 90% de ces routiers sont des étrangers, souvent mis sous pression par leurs employeurs. Ils ont conscience des risques qu'ils font courir aux automobilistes. Vous savez, tout est dangereux. Si je conduis trop longtemps, c'est aussi dangereux. Je sais bien tout ça, mais j'ai pas le choix. Ce camion est stationné à quelques mètres seulement du lieu de l'accident qui a coûté la vie à Julien. Le poids lourd impliqué était lui aussi tchèque. Si la réglementation sur les transports routiers n'évolue pas, les drames continueront. Chaque jour, une personne perd la vie sur les routes françaises dans un accident impliquant un poids lourd. Et c'est Pauline Liétard qui a réalisé ce reportage, qui nous rejoint maintenant sur ce plateau. Bonsoir Pauline. Bonsoir Pauline. Alors, vous concluez votre enquête par ces accidents dans lesquels sont impliqués ces poids lourds. Est-ce que c'est devenu aujourd'hui une vraie préoccupation pour la sécurité routière ? Oui, de plus en plus. En fait, les gendarmes qu'on a rencontrés, surtout en Charente, sont vraiment préoccupés par tous ces camions qui sont garés sur les bandes d'arrêt d'urgence. Et ne serait-ce qu'en 2010, l'infraction a été multipliée par 2. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand on roule, même en tant qu'automobiliste, on voit de plus en plus ces routiers épuisés qui s'arrêtent pour dormir sur le bord des routes. Et ça donnait lieu encore à des accidents récemment en janvier. Un accident a eu lieu près de Bayonne. Et c'est un camion bulgare qui travaillait pour une société espagnole, qui s'arrêtait sur une bande d'arrêt d'urgence et 4 jeunes l'ont percuté, ils sont morts. Pauline, alors quel est l'avenir pour les chauffeurs routiers français? Comment est-ce qu'ils peuvent faire face à une telle concurrence? Ça paraît difficile. Enfin, l'emploi des transporteurs routiers en ce moment, c'est en France, c'est 400 000 emplois en fait. Et en Europe, ça va être de pire en pire puisque l'Europe prévoit qu'en 2014, le marché soit complètement ouvert à la concurrence. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais pour l'instant, Ça reste prévu pour 2014, donc on peut imaginer que des transporteurs bulgares ou roumains viennent livrer à Rungis. Donc, Pierre. Bon, je peux continuer mes petites questions? Je les attends avec plaisir. Vous savez que cette nuit, on va passer de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous me redirez une heure de ma vie à la saison au printemps, quand ça va être agréable. Vous me la rendez après, en hiver, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire en hiver, quand il fait froid, quand on ne sort pas, qu'il fait nuit, vous me rendez l'heure. J'ai perdu une heure de ma vie au bon moment, vous me rendez une heure au mauvais moment que j'en veux pas. Donc, ça me met de mauvaise humeur. Et pas que moi, tous les gens, quand il y a le changement d'heure, sont de mauvaise humeur. Девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. Déjà allé au bois des Boulognes. Oui. À 2h du matin. C'est le seul endroit que je connaisse où quand vous donnez un coup de pied dans un buisson, il vous le rend. Parce que puis direz-vous que l'autre soir, je sortais d'un restaurant de la Porte Maillotte où que j'étais allé dîner pour fêter l'anniversaire de mon mariage avec ma femme. J'avais décidé de pas regarder à la dépense. Surtout que j'étais seul. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'était disputé les matins et comme elle n'avait pas voulu venir, je me suis dit je remets ça demain, on sera peut-être réconciliés, ça va m'écouter les doubles. Enfin bref. Après le dîner, je roulais tranquillement dans les bois. Quand arrive derrière moi une voiture qui commence à me faire des appels de phare. Mais s'il est pressé, celui-là, il a qu'à passer, non? Surtout qu'il y en a un devant moi qui roulait encore plus doucement. Alors moi aussi, je lui fais des appels de phare. Et pour qu'il aille plus vite. Au lieu de ça, il s'arrête, m'obligeant de m'arrêter moi aussi. Il descend de la voiture, il vient vers moi et me dit « Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Où on va ?» Hein? À ce moment-là, celui-là qui était derrière, il descend de la voiture, il dit « Bonjour tout le monde, où on va ?» J'ai dit « Moi, je vais chez moi. Si je peux déposer quelqu'un ?» À ce moment-là, je vois passer, arriver une espèce de Hurly Berlite avec les jabots de dentelle, la jaquette que ça flotte, qui nous dit comme ça, « Youpla mes cocottes, tout le monde suit la Cadillac blanche !» Ouh, j'ai dit, j'ai compris. Je suis tombé dans une noce et ils me prennent pour quelqu'un de la famille. Moi qui j'ai toujours rêvé de me faire des connaissances aristocratiques pour m'échanger de ma vie médiocratique, j'ai sauté sur l'occasion de grimper d'une échelle dans cette société anonyme au capital illimité et j'ai suivi, on s'est retrouvé dans un château au milieu d'un parc. Écoutez, il y avait une servante en robe longue qui nous a introduits. Elle avait un décolleté très creux en forme de bénitier pour faire la quête. Et d'ailleurs, chacun lui mettait un billet. Alors moi aussi j'en ai pris un et je lui ai donné ma carte. et je vois un monsieur qui commence à les habiller. Il sait que c'est des habits, là, à côté. Mais complètement, hein. Ah, mais tiens, ça doit être les propriétaires, il va déjà se coucher. Mais petit à petit, tout le monde s'est déshabillé. Je ne savais plus où mettre les mains. Disons. Alors moi aussi, pour avoir une contenance, j'ai enlevé mes chaussures. Et je vois arriver une espèce de haricote, là, en caleçon court, à rayures. Même pas molletonné. Et il commence à me regarder d'un air comme s'il me désirait, vous savez. Alors moi aussi, je l'ai regardé d'un air comme si je ne le désirais pas. Il me dit, tu vas garder ton sapot et tes saucettes, mon cocotte? Il dit donc, on n'a pas gardé la cochonne ensemble, hein? Il dit, oh, qu'il a l'air brutal, tout à fait mon genre. Ah, bah, votre genre, tout à l'heure, il va pas attendre les fêtes des Pâques pour vous laisser couer les cloches. Ah, un mot de plus, et je lui rentrais dedans, hein? Mais je voulais me sauver. Parce que j'avais compris, là, que j'étais tombé dans des bacchanales collectifs. Mais je ne retrouvais plus mes chaussures. On me les avait volées, mes chaussures. Alors je traverse une pièce à moitié éclairée, je dis, excusez-moi, messieurs, dames, personne n'a vu mes chaussures. Et alors là, pardonnez-moi l'expression. Oh, que des qui à l'air. Au moins 3 douzaines de qui. De qui tout ni, hein. Oh, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, je l'ai sorti ma carte. Caleçon molletonné, gros et demi gros. Leur chanter des tas de chansons, désirer toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des tricks. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça. Les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté et puis après, pam pam pam pam pam pam. Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils, qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch et un jean, fils, et tout le reste, je m'en fiche. Ils vont voter, et puis après, pam, pam, pam. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils font voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais, ou suisse, ou con, ou bien insecte, partout, ils sont confédérés. Faut les voir à la téléurne, ces Vespasiens de l'isoloir, et leur bulletin dans les burnes, et le mépris dans un placard. Ils vont voter, et puis après, pom, pom, pom, pom, pom. Dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé. Ouais.